Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Vous êtes sur Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches. Votre émission qui déchire pour bien terminer le week-end. Les meilleurs sons de Skyrock à se faire et à se refaire. Vous pouvez réagir à l'émission par SMS. On attend tous vos messages au 41759 sur l'application et sur le www.skyrock.fm. Du gros son ce soir. On attaque maintenant d'ailleurs, sans plus attendre. Voici Eminem, Cleaning Out My Closet, Nas, Lauryn Hill, If I Rule The World, et puis NTM, Saint-Saint-Denis Style. C'est Skyrock Classics jusqu'à 20h. C'est Maxime avec vous sur Skyrock. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leave them with a taste of sour as vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Ha! I got some skeletons in my closet and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch. As he split, I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human, but I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb, but the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Shit, I would've shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen before you think this record is dissing. But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Bitching that someone's always going through a person, shit's missing. Going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't. Till I grew up, now I blew up. It makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now. And it's cold when you're lonely. And Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now. You should see her, she's beautiful, but you'll never see her. She won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Skyrock Classics. Classics. Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind my waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today. In these last days until the way to be paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew. How we do? Trees for breakfast. Dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilize every savage. Give me one shot, I turn trite life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I lick Coretta, Scott King, mayor of the cities. And reverse things to willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. Story, how the thugs live in worry. Ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes. Go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A stack to safe. Millionaire plan to keep the gap with the cock hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips. Be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or be felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today. In these last days and times, if I for today in these last days and times. If I rule the world, if I rule, if I rule, I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls. If I rule, if I rule the world. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock en version originale. Phénoménal, freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour à Arto. C'est parti, ça vient de s'année. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chip ici. Pas de chi réfléchis si tu diras pour toucher le ciel. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés pour un. Mais c'est comme ça, connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler clé de pédale sans graisse. Et puis s'imbibe de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas au land de bande, te faut des coups de peupon. Si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip hop qu'avec des samples de pop. Mais tout cela je les stoppe à base de pop, pop, pop. C'est une sinistère, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip hop je développe la scène Sunny. C'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début. C'est de la bombe, sinistère, bébé. C'est de la bombe bébé, c'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé, oh ça vient de Sunny. Tu reconnais la race, alors fais-toi. C'est ça tout petit. Prends le double R des boules pour te mettre l'enfer. Tu crois que tu les agroses, mais teste pas double R le dernier. L'ex-père de la maison mère, à qui tu la frappes à l'envers. Négro c'est clair, je suis slay, super bas. Big up à moi-même, tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres. C'est ça que t'aimes chez moi, je me la raconte pour le 9-3. Faut que je mette les MC aux abois, je suis en mission. Mais je lâche pas, de toute façon faut pas que ça traîne. Parce qu'on a plus le temps pour ça. C'est pas demain que je passerai la main ou j'arrêterai le combat. C'est clair que je vis que pour ça. Et puis que je pense que comme ça je bouge pas. Plus le temps que j'envoie, tu balances des bons pour qu'à s'en vanter. Je peux chanter que je roule avec un crew des gens t'éprenter. J'en bats ton cou, c'est le sinistre. C'est le sinistère. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. C'est le sinistère. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. Mais non, ici c'est oh. Sunny, Sunny, funk, funk et fresh. Sunny, Sunny, funk, funk et fresh. Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro, pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fait ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas 9-3. J'fais le droit avec un funk spécial. Ça c'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. Baby. Sinistère. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. Sinistère. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. Eh oh, ça se connaît au début, baby. C'est la génération funky taquini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te chie dessus. C'est de la bombe bébé. Skyrock Classics. Tous les dimanches 18h-20h sur Skyrock. Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you. Listen. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See this girl, she sorta looks just like you. She even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you, but you remind me of a girl that I once knew. See your face when I look at you. Won't believe it, baby. She put me through. This is why I just can't get it with you. Thought that she was the one for me, till I found out she was on her creep. Ooh, she was sexing everyone but me. This is why we could never be. You remind me of the girl that I once knew. See your face whenever I look at you. Won't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get. It's so unfair. I can't leave her ignorance. why I just can't get with you. No, no. You remind me of a girl that I once knew. Oh, no, no. See your face whenever I look at you. Oh, no, no. Believe all of the things she put me through. This is why I just can't get. Whenever I look at you, wouldn't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you. C'est Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h avec Usher, You Remind Me, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Et on vous prépare du très gros son DJ Snake avec Lil Jon. Tous les dimanches soirs, c'est votre rendez-vous, on vous fait rêver avec les meilleurs sons de Skyrock. DJ Snake, Lil Jon, Turn Down For What. Il y a aussi Busta Rhymes qui arrive pour Break Ya Neck. Et Gradure, c'est jamais sur Sky. La première fois, sur Skyrock, Skyrock Classics.

entendre rapper, mais ce que dis. Je vois qu'on bosse et la France. Fais gaffe à ce que je dis. Toujours 6 crédits pour pas finir au tarmi. Car si tu tombes, c'est les jaloux qui seront vernis. Ça fait zizir de voir les miens en place. Tout ce qu'à sauce à l'ancienne. Extra passe de grosses liens, je ramène toute ma banlieue en concert, ça fait plaisir. Tu sais bien ce qu'il reste à faire pour nous faire zizir. Ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. Quand on semble Russie, ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la désir, y'a tellement de choses qui font plaisir. J'aurais été mieux si on pouvait choisir. France intouchable, ça fait zizir. On s'échappe, on a une chance, faut la saisir. Ça fait plaisir quand tu fumes pas trop sur mon joint. Quand je suis dans un plan tout naze, et quand même tu me rejoins. Ça fait plaisir quand conduire, on retire ou quand t'attire l'attention, on passe à l'action. Ça fait plaisir quand c'est toi qui payes l'addition. Que tu me prennes pas la tête, que tu me poses pas de questions. Un nouveau cuir, un nouveau portable, ça fait plaisir. Je suis détendu en personne, je rappe, ça fait zizir. Ça fait plaisir quand je pose des chèques sur mon compte ou quand je signe des contrats et qu'après y'a un repas, t'emballes pas. Donc plonge en paix sans appât dans un océan de fric, ça fera plaisir à l'Afrique. Moi, je me contente de peu de choses, ça fait plaisir. Quand t'adhères à ma cause, ça fait toi le président arrête de mentir. Toi le ministre de l'intérieur démissionne, ça ferait plaisir. Y'a tellement de choses qui font plaisir. Ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. Quand on semble à Bruxelles, ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la désir. Y'a tellement de choses qui font plaisir. J'aurais été mieux si on pouvait choisir. Ça fait plaisir qu'on te desserre les menottes. Donne un dessert à tes mômes, qu'on y ramène des bonnes notes. Moi, ils sont bien orientés. Ça fait zizir quand Zizou nous fait un contrôle orienté. Quand le public connaît mes textes par cœur, ça fait chaud au cœur. Ça me donne envie de sauter dans la foule comme un rocker. Ça fait zizir quand je vois que t'as pensé à moi et que tes parents restent inséparables comme des si à moi. Quand tu stoppes la clope, l'alcool, la coke, le pops. Quand un QF c'est du nez à la salle de boxe. Quand t'es pas jaloux de ma caisse, tu la railles pas. Quand t'es papa et que mon brolic s'enraye pas. Ça fait plaisir quand t'es loin du bitume, la de mer. On son soleil en scooter de mer. Quand tu rends service sur un attendant retour, ça fait zizir. Première fois la peinture de nos tours. Carré James, ça fait plaisir, ça fait réfléchir. Rob, ça fait fléchir, ça déchire. Voir mon pote franchir le portail, la maison tarée. Se barrer, se marier, voir sa mère se marrer. Y'a tellement de choses qui font plaisir. Ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. Quand on semble à Bruxelles, ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la désir, y'a tellement de choses qui font plaisir. J'aurais été mieux si on pouvait choisir. Enfin touchable, ça fait zizir. On s'échappe, on t'a une chance, faut la saisir. Y'a tellement de choses qui font plaisir. Ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. On semble à Bruxelles, ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la saisir, y'a tellement de choses qui font plaisir. J'aurais été mieux si on pouvait choisir. Rof intouchable, ça fait zizir. On s'échappe, on a une chance, faut la saisir. Pas un morceau qui fait zizir. Zizir. Rof intouchable, ça fait plaisir. Plaisir. Pas un morceau qui fait zizir. Zizir. Que nos frères et sœurs sortent de la zizir. Ouais, c'est quoi qui ferait plaisir, moi? Un petit baby foot. Et tu donnes mon cœur, Rémi. Et tu donnes toutes les deux semaines, là. On fait chat, non? Ah, moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je sais pas, monter un studio bled, mais avec des coupures de courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, on va voir. 15 gosses, 15, hein, que des garçons. Eh, toi, Drive. Bah moi tu sais quoi, j'aimerais que les riches y partagent tout leur argent avec les pauvres et qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans le monde. Peace. Quoi? Pas sur moi, hein. Non, and love. On se marre bien avec Rof et Intouchable sur Skyrock Classics, 18h-20h. La nouvelle émission 100% classique, ça fait zizir, ça fait plaisir d'écouter les meilleurs sons de Skyrock pour bien terminer le week-end. Et pour bien commencer la semaine, faut se réveiller avec Difool. Il vous lâche de la thune, 1500 euros, écoutez. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et bah quand on répond Skyrock, on gagne 1500 euros en direct. Bravo! Ouais Benjamin. Eh ouais, bravo à Benjamin et à vous tous qui êtes repartis avec votre chèque de 1500 euros, enfin, certains d'entre vous, hein, peut-être vous demain. Entre 6h et 9h, faut se réveiller avec Difool, répondre Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Il y aura aussi les nouveaux Samsung Galaxy S7 et le casque de réalité virtuelle, plus vos iPhone 6S. Le meilleur réveil, c'est sur Skyrock demain, dès 6h, avec Difool et toute l'équipe. Et les classiques. Wiz Khalifa avant 19h. Work Hard, Play Hard. Et Chris Brown, T-Pain aussi. Kiss Kiss en version Skyrock en plus. Wiz Khalifa, Chris Brown et T-Pain. Écoute Skyrock Classics 18h-20h sur Skyrock. Ryan B. Fever. Hey gros Boris K, Mohamed Lamy, aïe, Magic System, Mokobé, Rappé, c'est le son du tiers, on écoute, on est entre nous, de Rifi à Abidjan, on compte sur vous, 113 c'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous.

Skyrock Classic, Classics, 18h20. What's going on? It's your homeboy T-Pain right here on Skyrock Radio. This is the Nappy Boy representing live. We love rap music. Hello, I'm a little T-Pain. How's it going? It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do. At all. I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio on Skyrock. Yeah. Version Skyrock que T-Pain a enregistré ici dans les studios de Skyrock. C'était avec Chris Brown, Kiss Kiss Skyrock version bien sûr. Écoute Skyrock Classics. Et t'as bien raison, 19h sur Skyrock, c'est la moitié de l'émission. Et ouais, ça passe tellement vite, tellement de plaisir dans Skyrock Classics. 18h-20h, la nouvelle émission de Skyrock avec les meilleurs sons de Skyrock à l'intérieur. C'est cool, vous avez plein de réactions là que vous me laissez sur les messages, sur Twitter. JC des Bouches-du-Rhône notamment, que du bon son. C'est la première fois que j'écoute l'émission, c'est super. Il y a Kevin Grain aussi qui nous lâche un message. Skyrock Classics, c'est de la bombe. Merci à Sky pour la programmation. Et Juju aussi qui fait des pancakes en écoutant l'émission. Bah écoute, t'as bien raison. Pour bien terminer le week-end, du son sur Skyrock et des pancakes pour certains d'entre vous. On est reparti pour une nouvelle heure tout de suite avec Camillionaire. Voici Riding, Neo Closer et La Fouine avec Amel Ben pour Tomber pour elle sur Skyrock.

her on my tongue. She's the sweetest taste of sin. The more I get, the more I want. She wants to own me. Come closer. She says, come closer. And I just can't pull myself away. Under a spell, I can't break. Je la baladerai en métro, elle voulait des gros boïdes pour sa petite devant toutes ses copines. Hey, les potes m'ont prévenu, m'ont dit la fouine. Un deck, tu veux une bombe pour le portefeuille qui va avec. Alors il me fallait plus de fraîche que la veille. Sur la table, il faut la taille, comme j'ai pas de paix, protège ton dos car le crime paie. J'arnaque les criquets, je pars au charbon. J'oublie tout pour son sourire et même les keufs postichés sur le balcon. J'suis tombé pour elle, plus de maison, plus de tour Eiffel, plus de billets verts. Elle a le regard qui tue, le regard revolver. Mon frère, comprends qu'avec une meuf comme ça, à ton bras, tu peux pas lui dire ma belle. Ce soir, j't'invite au keufta. T'es ma meilleure, ma number one, ma best of the best. Viens pas test, je m'allongeais sur Doel. Faisais le reste, clic, clac, clic, clic. Les menottes, c'est quoi ce bordel? Je vous le dis au final, je suis tombé pour elle. Sans fermer, qu'on pourra plus parler. Moi je te kiffais. Impossible d'oublier toute cette année passée. Pour moi t'es depuis. Je t'aimerai comme avant, avec ou sans argent. Tu seras toujours au top. Arrête tes questions. Arrête tes questions. Préfère être pauvre avec ma mise en cellule et mal accompagné. Verser des acomptes au grossiste, visiter par les déquises. Assis dans ma cellule, je lis ta lettre au bord du gouffre, au bord des drames. Le stylo pleure, mon caisse souffre, tu es en larmes. Chez nous on cache nos sentiments, gentiment. Préfère dire casse-toi, va-t'en que de crier je t'aime. Comme Lara Fabian à toutes les Fatima, les Fatou. Merde qui blinde nos parloirs. Pardonne-moi de douter, mais trop de gratteuses blindent mon répertoire. Et dans mes petits yeux marrons, tu peux lire ce que je ressens pour toi. Ne force pas à dire ce mot, j'ai trop d'orgueil pour ça. Rappelle-toi quand on était pauvre et heureux, qu'on galérait à l'arrêt de bus, qu'on se contentait de rien. Un maxi best of. Et c'est de ma faute, nous banlieusards, on en veut toujours plus. On veut sortir celle 600 et cela péter au plus. Clic, clac, clic, clic. Les menottes, c'est quoi ce bordel? Je vous le dis au final, je suis tombé sur elle. Je t'aime comme tu es. Quand tu seras, je serai. Moi je t'aime comme tu es. Je serai seul enfermé, qu'on ne pourra plus parler. est-ce que tu me kifferas? Quand je serai plus au top, on aura beau chercher la lumière du passé, est-ce que tu me kifferas? Quand je serai plus au top, m'aimeras-tu comme avant, avec ou sans argent? Je me pose plein de questions. Quand je serai plus au top, quand je serai plus au top, quand je serai plus au top. Quand tu seras enfermé, qu'on pourra plus se parler, moi je te kifferai. Sera toujours au top. Pas trop c'est oublié, toute cette année passée, pour moi t'es depuis. Sera toujours au top. Moi je t'aimerai comme avant, avec ou sans argent. Arrête tes questions. Sera toujours au top. Tu seras toujours au top. Tu seras toujours au top. Comme avant, avec ou sans argent, tu seras toujours au top. Arrête tes questions, arrête tes questions. Dimanche, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on. Vibing about it to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible. Professional, drinking Xanax. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen shorty get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them to get your home. My jeans full of guap and they ready for shows. Got a Lex Maybach for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I did a rubber band. That's when I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster. She showed her. Like my glide.

just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, down. She take it low, she fine as hell, she got the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way. She shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lust it for, going crazy, facing out, don't stop. Get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knew just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She's taking all the chance, take a fall, take a shot. Ooh, I need you like a heart needs a beat. Yeah, yeah. I loved you with the fire red, now it's turning blue. And you said sorry like the angel, heaven let me think was you. So she don't stop, I ain't got the move, I can sit and watch. In a fantasy, it's plain to see, just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, all into my set sheets. She's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the door close. Watching her do what thing on all falls. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride. Break it down. Know I like when you hike. Break it down. It's too late. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Bonnie and Clyde, bang, vida loca, vie de dingue. Ma belle, attrape le volant, je m'occupe de charger les flingues. T'es ma vie, t'es ma weed, mes armes et ma bible. Une fois vide, la bouteille de Jack sert de cible. Shoot, chéri, suis-moi, viens, on va shooter le shérif. Puis faire des photos matons sur les radars du périph. Juste moi et ma caille, c'est GTA style. Carnage quand on mitraille, même l'armée n'est pas de taille. Toujours le smile, même menotté au comico. M'inquiète pas, j'sais que tu viendras me chercher en hélico. Et même si ça finit mal, style Tignas et Bérénice. Dis-toi, il vaut mieux ça plutôt qu'on finisse RMIS. Pays-Bas, shopping en

looking at you. Girl, there ain't no pain in me looking at you. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, huh. I'ma do my thing while you're playing with you. It's funny how a man only thinks about the, you got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, there ain't no pain in me looking at you. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, huh. I'ma do my thing while you're playing with you. h20 tous les dimanches, c'est Skyrock Classics avec les Pussycat Dolls, Nicole et toute son équipe, les stripteaseuses. Découverte sur Skyrock, c'était No Beep, une version unique qui ne passait que sur Skyrock. À l'époque, il y a un programme de haut niveau qui vous attend ce soir. La soirée n'est pas finie. Dimanche soir sur Skyrock, il y a plein de choses qui se passent. À partir de 20h, entre 20h et 21h, c'est le Hit US, le classement des 10 titres rap et R&B les plus vendus aux États-Unis. Et puis à partir de 21h, ce sera les plus grands moments de la radio libre de Default. Ce soir, Caris, Pamela qui va pécho chez les familles. Pamela, c'est Romano qui se travestit. Allô, allô, oui, oui. Et puis d'ailleurs, des mecs qu'ils ont pris sur des annonces sur internet. Oui, absolument, oui. Et voilà. Vous pouvez découvrir tout ça tout à l'heure à partir de 21h. Et puis il y aura aussi le double appel à se refaire. Le Nord contre la Belgique, c'est tout à l'heure. Et puis juste avant, deux classiques à écouter. Attention. Coming Gong. C'est P. Diddy et Dirty Money qui arrivent. Et attention. Fiesta. R. Kelly et Jay-Z. On vous fait rêver hein, tous les dimanches, 18h-20h. Les meilleurs sons de Skyrock sélectionnés pour vous. Fiesta, fiesta. La fiesta continue sur Skyrock. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. J'ai compris que les années, ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelly sort à 7 ans, le 20 septembre. Que chaque jour, les hommes s'autodétruisent à la hache. Et pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête. Ici, la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes. Et dans 10 ans, le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent. Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent. Que j'avance pas, que leur justice ralentit. Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti. Que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie, I'll join everyone. When I die, these feet carry me far. Oh, my body, oh, so tired. Mouth is dry, hardly speak. Y apprendre les joies et les larmes. In this life, dans cette vie, I'll join everyone. And understand, cause all men die, cause all men die, cause all men die, cause all men die. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong. Yeah, I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. This one's for you, me, put your hands high. Your dreams are filled, you're rocking with the best. I'll be on the song. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Damn, but I ain't finished wrong. Another night, the inevitable prolongs. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. Come on. I'm coming home. I'm coming home. Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And people got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your own. Pick up the phone. Come on. No stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. Made me, saved me, drove me crazy. Drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Classics, classics. KLA2SIKS. After the show, it's the after party then. After the party, it's the hotel lobby then. After the Belvy, then it's probably Chris. And after the original, it's probably this. Fiesta, Fiesta. Remix with the homie from the Midwest side. Game recognized, game hoes do too. It's a new 2 live crew, I suppose you're new. So thugs, pop the toasters, but don't approach us. Or bullets will chase you like Moet Mimosas. Catch us both coasters, racing twin poachers. Boxers with glocks to the pop, you to make you closer. Whoever come closest, you've been warned. But niggas don't get the picture till the weapons is drawn. Make your way backstage, baby girl is on. And we'll be drinking till 6 in the morning. In the back of the club with my mom. Popping bottles of Chris with my mom. Put the bar on the tap for my mom. Throwing hundreds up for grabs for my mom. Cause it's about to go down tonight. I'ma be drinking till the early desire. Nigga high like a motherfucking desire. Take 3 honeys just to make me feel desire. My, my, my, my. It's what they all say when they see the frozen eyes. They say, my, my, my, my. Anytime they see them big things on the side. Why y'all got a club date? I'm fucking with arenas. Got your man saying, have you ever seen her? Yeah, she with me on the low, getting high off the dough. Got her knees on the floor. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Six in a bird. I met a ball named Tasha in the bird. Took the hood and I moved it to the bird. Now no more sheriffs or police in the bird. Now we about to tear this club up. Don't worry about expenses cause I got that show up. Ready to fuck like I'm fresh out of Jersey. I need some boo from all the honeys on the DL. My, my, my, my. That's what them thugs yelling when the strippers on the prison. They say my, my, my, my. Got Keisha yelling from that up and down she's on. Why y'all got a club date? I'm fucking with arenas. Got your man saying, tell me, have you seen her? Yeah, she with me on the low, getting high off the dough. Got her knees on the floor. I put this big body. everybody up. Come through in a rover. Not only Kelly and Gotti, it's Boo and Hova. Pop Chris if you like. Mice glisten alike. And we're rocklin', right? So I'm rich for life. I'm like heaven. Everybody wanna get to me. How you make it to the gates and forget the key? I'm the one God chose, so you blessed through me. Gotti Floyd get you high than that ecstasy. And yo, I come through stunning. Plus I'm getting blunted in the new 600 with the big rims on it. We rock rocks that delight your shoulders. Got a lot of hot cars, but the drops is colder. You see VIP, me, Kelly, Gotti, and Ho. Drinking Chris like it's H2O. All we do is spin cheese, cause we love the dough. Mommy roll more trees, for it's time to go. Now if you got cash money, then you feel the shit. And if you rolling on them things, then you feel the shit. If you drunk off in the club, then you feel the shit. If you's a motherfucking thug, then you feel the shit. If you're smoking on some dope, then you feel the shit. And if you on that ecstasy, you got to feel the shit. If you're sipping on some Kush, you got to feel the shit. And if you're throwing up and shit, you got to feel the shit. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Vous êtes sur Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches. Et pour clôturer l'émission, c'était R. Kelly et Jay-Z, Fiesta, Fiesta. Stéphane, qu'est-ce qu'il fait? Il met son casque à l'envers. Ouais, il est à l'envers. Ouais. Ah ouais. J'étais en train d'écouter le R. Kelly là, avec ça Jay-Z. Ça m'a retourné la tête. D'ailleurs. Ouais. Ça m'a retourné la tête. Ouais. Et c'était en 2001 d'ailleurs, le son là de R. Kelly. Bah ouais, il avait tout cartonné d'ailleurs aux États-Unis à l'époque. Il avait été numéro 1 du Billboard. Et bah ouais, bah les numéro 1, c'est chez toi qu'on les écoute tout de suite en plus. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est pas ceux de 2001 qu'on va écouter. Hein. Non, ça, c'est de 2016. C'est ton émission ça. Ouais. Toi c'est 2001, moi c'est 2016. Allez, c'est parti maintenant, on y va pour le 8 US, les 10 cartons rap et R&B aux États-Unis. Ciao. Exactement. Maxime. Ciao Steph. Allez, c'est parti. 14h à New York, 11h à Los Angeles.